إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On continue avec la biographie du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et on s'était arrêté la semaine dernière avec les persécutions contre les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Et on avait dit que les Quraïchites, les associateurs, ont tout tenté contre eux et contre le prophète alayhi salatu wassalam. Donc ils ont dénigré le prophète alayhi salatu wassalam. Ils ont détourné les gens de l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont humilié le prophète alayhi salatu wassalam ainsi que sahaba radiyallahu anhum wa ardahum. Ils ont menti sur le prophète alayhi salatu wassalam, comme on l'a vu, ils l'ont traité de sorcier, ils l'ont traité de majnoun, de fou, etc. Ala kulli hal, ils ont tout essayé et tout mis en œuvre pour détourner les gens, les croyants et les gens qui pourraient être, yani probablement intéressés par cet appel venant du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Ils ont tout mis en œuvre ici pour les détourner de cet appel et de la vérité. Ala kulli hal, Allah subhanahu wa ta'ala fait ce qu'il veut et comme on a vu la semaine dernière, ou plutôt il y a deux semaines, la ruse du ruseur retourne ou revient contre lui. Yani le ruseur, quand il met en place une chose ici contre la vérité ou contre le chemin de la vérité, ça lui retombe dessus. Cette ruse lui retombe dessus, comme on avait donné yani de nombreux exemples. Ala kulli hal, ils ont même essayé de déstabiliser le prophète alayhi salatu wassalam, comme il est relaté dans le hadith de Al-Bukhari wa Muslim. Ici et d'autres, hein. Donc ici il est rapporté que les Mekwa ont demandé au messager d'Allah alayhi salatu wassalam, et ce récit est connu, de leur montrer une preuve de sa prophétie, et donc le prophète alayhi salatu wassalam leur montra la lune fendue à deux ou en deux parties. Mu'jiza, ça c'est un miracle. Et le mu'jiza, c'est un terme qu'on utilise simplement pour ou concernant les miracles qui touchent les prophètes et les envoyés. C'était une mu'jiza du prophète alayhi salatu wassalam. Donc ici ils ont demandé au prophète alayhi salatu wassalam qu'il demande à Allah subhanahu wa ta'ala ici de fendre la lune en deux, dans le hadith rapporté par l'imam Al-Bukhari et Muslim. Et c'est ce qui s'est passé. Lakin, ils n'ont pas dit ça comme disent les savants, et les savants de ici comme rapportent les savants, ils n'ont pas demandé ça au prophète alayhi salatu wassalam avec l'intention de se convertir à l'islam ou dans l'intention de rechercher la vérité. Mais c'était surtout pourquoi ? Pour déstabiliser le prophète alayhi salatu wassalam. Pour le déstabiliser. Donc ils lui demandaient des choses qui pour eux leur paraissaient impossibles. Tout simplement pour ridiculiser le prophète alayhi salatu wassalam. Et dans un hadith avec une chaîne de transmission authentique, comme l'a mentionné Cheikh l'Albani rahimahullah ta'ala, Mut'im radiyallahu anhu wa arda raconte, au temps du prophète alayhi salatu wassalam, la lune se fendit en deux. La lune se fendit réellement en deux. Une partie surplombait cette montagne, comme disait Mut'im radiyallahu anhu arda, et l'autre surplombait cette autre montagne. À ceux qui s'exclamèrent en disant, Mohammed nous a ensorcelés. Tu ne pourras croire que si Allah subhanahu wa ta'ala veut que tu crois. Et ça c'est un rappel pour nous, ici, pour nous rappeler à tous et à toutes que la guidée vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce n'est pas parce que toi tu vas voir un miracle que tu vas croire automatiquement, ou parce qu'une autre personne n'a vu aucun miracle qu'il ne va pas croire. Allah Azza wa Jal guide qui il veut et il égare qui il veut. Et il guide par sa miséricorde et il égare par sa justice. Après qu'ils aient demandé ce miracle, et après que ce miracle ait eu lieu réellement, ils ont dit quoi ? Mohammed nous a ensorcelés. Ils ont dit il nous a ensorcelés. Le Seigneur répondit en affirmant l'authenticité du message révélé à Mohammed alayhi salatu wassalam. Allah Azza wa Jal révéla le verset coranique, اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ الآيات. الله عز وجل سيرا ولا غير ذلك. Le verset coranique sura 54, verset 1 à 3. Allah عز وجل a révélé le verset coranique. L'heure approche et la lune se fend. Avec une traduction approchée. L'heure approche et la lune se fend. Ici, on parle de quoi? De quel événement? De cet événement-là. Quand ici les associateurs ont demandé ce miracle au prophète alayhi salatu wassalam. S'il voit un signe, comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala, s'il voit un signe, il s'écarte en disant, c'est une magie continuelle. Quand ils voient un signe, ils disent quoi? Ils s'écartent et ils disent, ce n'est qu'une magie. Ils crient au mensonge, ils suivent leur passion, mais tout décret est immuable. Donc ils demandent des signes. Mais bien que les signes leur sont parvenus, ils se détournent du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est connu. Ça a été connu à l'époque de Shu'aib, à l'époque de Ad, à l'époque de tous les prophètes. Il y a beaucoup de peuples ici qui ont demandé des miracles à leurs prophètes. Et après que les miracles leur sont parvenus, ils se sont détournés du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et voici, ou plutôt voilà, que les compagnons, comme on l'avait dit, étaient persécutés. Ils étaient persécutés, ce n'était pas de petites persécutions. C'était des persécutions très dures, des persécutions physiques. Jusqu'à ce qu'on avait vu qu'il y avait eu Soumeya, radiyallahu anhu ardaha, qui est mort martyr, qui a été tué. Ammar, radiyallahu anhu ardaha, qui a été torturé. Et la famille de Ammar qui a été torturée. Beaucoup de compagnons ont reçu d'énormes persécutions, parmi eux Bilal, radiyallahu anhu ardaha, on a cité le hadith, etc. Et allant, ceci s'est produit, allant au milieu de l'an 4, au début de l'an 5. Pas de l'Hégire, bien sûr, parce qu'on n'est pas encore arrivé à l'Hégire. Mais de l'avènement, c'est-à-dire après la révélation du prophète alayhi salatu wassalam, ou qu'a reçu le prophète alayhi salatu wassalam. Donc là, on est 4 ans ou 5 ans après que le prophète alayhi salatu wassalam a reçu la révélation. Donc à ce moment-là, alors que les compagnons étaient énormément persécutés, voilà ici que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé deux sourates très importantes. À ce moment-là, Allah azza wa jalla a révélé sourate Al-Kahf, la caverne, et sourate Az-Zumar. On va voir quelle morale à prendre ou il y a à prendre dans ces sourates. Regardez ici quand Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ces sourates. Allah azza wa jalla a révélé, tout d'abord on va s'arrêter comme les savants se sont arrêtés ici avec ces deux sourates dans la biographie du prophète alayhi salatu wassalam. Ici Allah azza wa jalla a révélé sourate Al-Kahf. Pourquoi? À ce moment-là bien précis. Qu'est-ce qu'on retrouve dans sourate Al-Kahf? Trois points parmi les nombreux points, mais trois points très importants dans sourate Al-Kahf. C'est la sourate ici où on va pas dire que c'est obligatoire, mais c'est fortement recommandé de la réciter tous les vendredis. C'est qu'il y a une sagesse. Donc il y a trois points très importants dans sourate Al-Kahf. Le premier point qu'on va voir dans sourate Al-Kahf, vous connaissez tous sourate Al-Kahf et les récits qui y sont cités. Donc il y a le premier point. Il faut savoir que dans sourate Al-Kahf, Allah subhanahu wa ta'ala parle de qui? Parle des gens de la caverne. On est d'accord? Les gens de la caverne, qui sont ces gens-là? Ce sont ces jeunes gens, comme Allah subhanahu wa ta'ala cite dans le Coran al-Karim, qui ont été se réfugier dans cette caverne-là pour fuir quoi? Pour fuir quoi? Les associateurs. Pour fuir les dénégateurs. Pour fuir l'association. Pour préserver leur religion. Pour préserver leur foi. Ils ont été se réfugier. Ils ont été se réfugier ici dans cette caverne-là. Pour préserver leur religion. Les savants disent, voilà, un signe déjà pour As-Sahaba radiyallahu anhum wa ardahum. Voilà un signe pour eux. Quant au fait de quoi? De ici s'éloigner de ces associateurs. Comme se sont éloignés les gens de la caverne. De s'éloigner d'eux. Car il n'y a aucun bien auprès d'eux. Et ceci en vue de préserver sa religion et sa foi. Premier point. On parle des gens de la caverne. Et je vous renvoie ici à Surat Al-Kahf, la caverne, car on n'a pas le temps de faire, et c'est pas le but d'aujourd'hui de faire l'explication de cette sourate, car il nous faudrait des mois et des mois, inshallah ta'ala, un jour on prendra le temps. Il y a le deuxième point, d'accord, ou le deuxième point que traite cette sourate, sourate la caverne, et regardez la hikmah, regardez la sagesse qu'on voit dans les versets coraniques. Allah subhanahu wa ta'ala descend les versets coraniques au moment où il faut et de la manière qu'il faut. Ce n'est pas un verset coranique qui est descendu comme ça par hasard. Abadan. Il y a des raisons, il y a une sagesse. Et donc on voit ici la sagesse de la descente de ces versets coraniques à ce moment bien précis. Parmi ces points-là très importants, il y a le deuxième point. Le point qu'on retrouve dans Surat Al-Kahf, il y a l'histoire entre Moussa et Al-Khadir. Entre Moussa et Al-Khadir. Donc je vous renvoie à Surat Al-Kahf. Donc ici, ça c'est pour rappeler. Pour rappeler quoi? Aux compagnons, ibtida'an on va dire, hein, avant tout, mais bien sûr à l'ensemble des gens. وَعَسَا أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَا أَن تُحِبُّ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Pour rappeler, ayyuhal ikhwatul kiram, qu'on peut détester quelquefois des choses, on pense que c'est un mal alors que c'est un bien. Et on peut aimer des choses, on croit que c'est un bien alors que c'est un mal. Allah Azza wa Jal sait, mais nous on ne sait pas. Voilà que dans l'histoire entre Moussa et Al-Khadir, vous voyez ici que Moussa alayhi salam n'a pas compris certaines choses au début. Mais après que Al-Khadir lui a expliqué les raisons de son comportement avec cet enfant, avec le bateau, etc., je vous renvoie à cette sourate. Ici, Moussa a compris pourquoi. A compris ici la sagesse que renfermait le comportement d'Al-Khadir. Et ça nous apprend que quelquefois, on peut voir des choses. On pense que c'est un mal, alors que c'est un bien. Voilà encore un signe ici pour As-Sahaba, radiyallahu anhu arda. Et ici, pour les réconforter, en voyant que ici, peut-être qu'ils pensent que c'est un mal, mais c'est un bien pour eux, les compagnons, d'émigrer, de partir ici et de s'éloigner de ces associateurs pour leur donner cette patience. Pour leur donner cette patience et cette bonne nouvelle et pour, entre guillemets, leur remonter le moral aussi. Allah subhanahu wa ta'ala est avec vous. Et vous pouvez détester une chose, vous pensez que c'est un mal alors que c'est un bien. Car les savants, plutôt les compagnons, radiyallahu anhu arda'un, quand ils lisaient le Coran al-Karim, ayyuhal ikhwatul kiram, ils ne le lisaient pas ici d'une façon bâclée, sans méditation. Quand un verset était révélé, ils le lisaient avec méditation et ils l'appliquaient. Et ils l'appliquaient. Parmi les points très importants dans Surat al-Kahf, qui est descendu à ce moment-là, alors qu'ils étaient énormément persécutés, as-sahaba, il y a l'histoire d'eux, qu'on retrouve dans Surat al-Kahf, Dhul Qarnayn. Donc ce roi pieux, Dhul Qarnayn, je vous renvoie encore à Surat al-Kahf. Donc Dhul Qarnayn qui est venu en secours, venu pour secourir qui? Des personnes faibles. Contre qui? Ya'juj et Ma'juj. Ya'juj et Ma'juj. Donc Dhul Qarnayn c'est un homme, un roi pieux, vertueux, salih, qui Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé ici pour les secourir. Pour les secourir. Et ici, ayyuhal ikhwatul kiram, tout simplement pour rappeler qu'Allah subhanahu wa ta'ala secourt les faibles et les opprimés. Et Allah azza wa jal fait ce qu'il veut. Regardez les morales. Regardez les morales, ayyuhal ikhwatul kiram, qu'on prend de façon extrêmement rapide de cette sourate. Et ce n'est pas pour rien qu'elle est révélée, ou plutôt qu'elle a été révélée à ce moment-là, alors que les compagnons ont été persécutés, ayyuhal ikhwatul kiram. Il y a aussi, comme je vous ai dit, sourate Az-Zumar. Et dans Surat Az-Zumar, ayyuhal ikhwatul kiram, dans le verset 10, on retrouve les propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qul ya ibadiya alladhina amanu ittaqoo rabbakum. Toujours at-taqwa. Toujours at-taqwa. On a toujours besoin de at-taqwa Allahi subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que j'insiste souvent sur l'explication, la définition, les fruits concernant at-taqwa Allahi azza wa jal. Allah azza wa jal ordonne. Allah subhanahu wa ta'ala recommande à qui? Aux sahaba radiyallahu anhum wa ardahum, ainsi qu'à l'ensemble des gens. Il dit quoi? Qul ya ibadiya alladhina amanu ittaqu rabbakum lilladhina ahsanu fi hadhihi ad-dunya hasana wa ardullahi wasi'ah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Allah subhanahu wa ta'ala dit ô mes serviteurs qui avez cru, craignez votre Seigneur, craignez votre Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Ceux qui ici-bas font le bien. Ibtida'an as-sahaba radiyallahu anhum. On parle de qui avant tout, ou en premier lieu? Des compagnons. Allah azza wa jalla dit, ceux qui ici-bas font le bien auront une bonne récompense. Allah incite les compagnons à quoi encore? As-sabr. Allah azza wa jalla leur annonce la bonne nouvelle. Car, innama al-usri yusra, certes auprès de la difficulté il y a la facilité. Certes, auprès de la difficulté, il y a la facilité. Allah Azza wa Jal leur enjoint la patience. Et qu'est-ce qu'il dit à Subhanahu wa ta'ala ensuite? Il dit, ceux qui ici-bas font le bien auront une bonne récompense. La terre d'Allah est vaste. La terre d'Allah est vaste. Et les endurants auront leur pleine récompense sans compter. Biraïri hisab. Ceux qui ont patienté, Allah Azza wa Jal rappelle qu'ils auront leur récompense sans compter. Biraïri hisab. Subhanallah. C'est pas ils auront une grande récompense. Où ils auront une récompense. Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Allah Azza wa Jalla les récompensera sans compter les endurants. Ici pour les pousser, les inciter à quoi? À patienter. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur annonce la bonne nouvelle. Et qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset coranique? Ardullahi wasi'a. La terre d'Allah est vaste. Message pour émigrer l'exil ayyuhal ikhwatul kiram. Et alors qu'ils étaient grave persécutés, à ce moment-là, comme on a dit à l'an 4 ou 5 de après l'avènement ici, Allah Azza wa Jal ici montre certains signes qui poussent les sahaba radiyallahu anhum wa ardahum à patienter et à émigrer. Ils étaient énormément persécutés et voilà que le prophète alayhi salatu wassalam leur ordonne de faire al-hijra, l'émigration, l'exil, d'accord, de partir, d'accord, de cet endroit-là où ils étaient persécutés à un autre endroit pour pouvoir appliquer d'une meilleure façon leur religion, pour préserver leur religion. Naam, et c'est ce qu'on appelle al-hijra. Il a ordonné al-habasha, où il leur a ordonné d'émigrer à cette terre qui était la terre d'Abyssinie, qui est maintenant l'Éthiopie. Donc il leur a ordonné d'émigrer vers ici l'Éthiopie, et ceci était à l'an 5 après la révélation. Et le prophète alayhi salatu wassalam savait qu'il y avait le Négus, le roi An-Najashi, le roi d'Abyssinie. Et c'était un roi juste auprès de qui on ne faisait aucune injustice. Voilà pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam leur a donné l'ordre d'émigrer dans cette terre-là, car il y avait un roi qui était chrétien. Un roi qui était chrétien. Il n'était pas musulman. C'était un roi qui était chrétien. Lakin, c'était un roi qui était al-adl. Qui était adil, qui était juste. Il avait cette équité-là. Il était juste. Et personne n'était opprimé auprès de lui. Donc, il leur ordonna d'émigrer. Et ceci pour préserver leur religion des fitaines, des troubles. Naam, pour préserver leur religion. Ça ne veut pas dire qu'on peut émigrer de n'importe quel endroit à n'importe quel endroit. Non, ça veut dire qu'on peut émigrer d'un endroit où on ne peut pas pratiquer sa religion comme il se doit à un autre endroit où on peut pratiquer d'une meilleure façon sa religion. Oui, ça c'est le hijra. D'accord? Ça c'est al-hijra ayyuhal ikhwatul kiram. Mais ici, je m'arrêterai quelques instants, et ceci est impératif concernant al-hijra. Pour expliquer un peu ce sujet, yani de façon, inshallah ta'ala, très bref et assez explicite, bi-ibnillahi tabaraka wa ta'ala. Al-hijra. Al-hijra. Qu'est-ce qu'on entend par hijra? Dans la langue arabe, qu'est-ce que c'est que le hijra? Al-hijra dans la langue arabe, ça veut dire laisser ou quitter. D'accord? Laisser ou quitter. Et faire al-hijra vers une chose, suivez bien, c'est laisser ou quitter dans la langue arabe. Parce que des gens parlent de l'hijra, ils ne connaissent pas la signification de l'hijra vraiment. Al-hijra dans la langue arabe, c'est le fait de quitter ou de laisser. Et faire al-hijra vers une chose signifie aller vers elle tout en quittant autre que elle. C'est clair? Faire al-hijra vers une chose, c'est faire al-hijra, c'est-à-dire faire signifie aller vers elle tout en quittant autre qu'elle. Ça c'est dans la langue arabe. Ça c'est là, il y a une définition. Donc on peut dire aussi étymologiquement. D'accord? Al-hijra dans l'islam, au point de vue islamique, religieux. Qu'est-ce que c'est al-hijra? Je vais dire d'abord de façon générale. De façon générale, au point de vue islamique. Vous allez voir pourquoi. Suivez bien. Ça, c'est important pour comprendre, yani, ce terme qui est très important, qui est al-hijra. Dans la langue arabe, de façon générale, je vous dis de façon générale, c'est quitter ce que Allah subhanahu wa ta'ala déteste pour ce qu'il aime. Vous avez bien compris. Al-hijra, au point de vue islamique, de façon générale, vous allez voir pourquoi je dis de façon générale, c'est de quitter tout ce que Allah déteste pour ceux qu'il aime. Pour ceux qu'il aime. D'accord. Et de façon plus spécifique. En rentrant plus dans les détails. De façon plus spécifique, comme disent les savants, ils disent c'est le fait de quitter une terre non musulmane afin de se rendre sur une terre d'islam par peur des épreuves, al-fitan, et afin de rechercher le moyen de pratiquer sa religion comme il se doit. D'accord? De façon spécifique. C'est le fait de quitter une terre qui n'est pas musulmane, non musulmane, vers une terre musulmane. Donc c'est ce qui est répandu. Donc la définition de hijra, en général quand on entend hijra, c'est cette définition. Mais ça c'est une définition plus spécifique. D'accord? Au point de vue islamique. C'est le fait de quitter une terre non musulmane vers une terre musulmane où on peut préserver sa religion dans cette terre, d'accord, musulmane, d'accord, et ceci en vue de s'éloigner des fitaines, donc c'est-à-dire pour préserver sa religion, d'accord. Donc ça c'est al-hijra d'une façon spécifique. Pourquoi j'ai dit au début qu'il y avait, et là on va rentrer plus dans les détails, je vous ai dit qu'il y a al-hijra, le terme hijra, de façon générale. On est toujours dans, yani, au point de vue islamique, car j'ai donné l'explication dans la langue arabe. Au point de vue islamique, de terme, de façon générale, de quitter tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala déteste pour ce qu'il aime. C'est pour ça, de là, de cette définition générale, que certains savants, parmi eux, Ibn Qayyim al-Jawziyya, rahimahullah ta'ala, ont dit qu'il y avait cette sorte d'émigration. D'accord ? Il y avait plutôt une émigration des œuvres et une émigration du lieu. Que tu faisais l'émigration aussi par le cœur. On va expliquer. D'abord, l'émigration des œuvres. L'émigration des œuvres. Qu'est-ce que c'est que l'émigration des œuvres ? L'émigration des œuvres, elle consiste en ce que le musulman quitte ce que Allah a interdit. Ce que Allah a interdit. Et ceci découle de la définition générale. D'accord ? Générale. Parce qu'on a dit de façon générale, c'est quitter ce que Allah déteste pour ce qu'il aime. D'accord ? Donc ici, ils disent, elle consiste en ce que le musulman quitte ce que Allah a interdit comme acte de désobéissance. C'est pour ça que je vous ai dit, ça c'est le hijra des œuvres. Comme acte de désobéissance, péché, transgression. Ici, on dit « al-hijra des actes », d'accord ? Vers tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée, d'accord ? C'est-à-dire laisser les péchés, les actes de désobéissance, comme il apparaît dans la parole du prophète alayhi salatu wassalam, rapporté par l'imam al-Bukhari wa muslim, selon Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhu. Le musulman est celui dont les musulmans ne craignent ni la langue ni la main. Le prophète alayhi salam, ici, parle de l'hijra des œuvres. D'accord ? Donc c'est-à-dire de délaisser ou de quitter les actes de désobéissance ou tout ce que Allah Azza wa Jal déteste vers tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Le prophète alayhi salam a dit dans le hadith rapporté par al-Bukhari muslim, le musulman est celui dont les musulmans ne craignent ni la langue ni la main. D'accord ? Et le muhajir. Le prophète alayhi salam dit dans ce hadith, le muhajir. Donc celui qui émigre, entre guillemets, le muhajir est celui qui laisse ce que Allah a interdit. Et celui qui laisse ce que Allah a interdit. Voilà pourquoi les savants, minhum Ibn al-Qayyim et de nombreux savants, ont dit qu'il y a l'émigration des œuvres. D'abord, il faut comprendre ça. Pour élargir un peu, yani, sa connaissance concernant le hijra. C'est pas comme certains le font, hein. Ils aboient jour et nuit. C'est moi du terme, mais c'est ce terme qui est approprié à eux. Ils aboient hijra, il faut partir. Paye mes crans, adubila, t'as pas. Explique-moi c'est quoi le hijra dans la langue arabe, c'est tout. Et toi, Kafi, s'arrête. Il connaît rien, Mskin. Est-ce qu'il y a le hijra du cœur? Est-ce qu'il y a le hijra des œuvres? Qu'est-ce qu'on dit les savants? C'est quoi la divergence entre les savants? Est-ce qu'il y a ijma'? C'est quoi un ijma'? Unanimité des savants. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a ijma' sur la question? Il n'y a pas ijma' sur la question. Car si je vous disais les paroles de certains savants, vous serez étonnés. Yani, il faut connaître le sujet dans les détails. C'est pas on parle comme ça parce qu'on a lu deux ou trois articles. Et même si on est convaincu, donc sois convaincu après que tu aies étudié le sujet dans les détails, Akhi al-Karim. Naam? Donc ici, il faut comprendre c'est quoi la hijra. Donc vous avez bien compris. Là, on parle de la hijra, ici, des œuvres. Quant au jugement que prend al-hijra, donc là, on parle de l'hijra du lieu. Ce qui nous importe le plus. Ici, par rapport au sujet qu'on est en train de traiter dans la biographie du prophète alayhi salam, c'est-à-dire la hijra, l'émigration des compagnons qui ont été persécutés vers, ici, il ard al-habasha, donc vers l'Abyssinie. Ici, l'émigration du lieu, c'est ça. C'est ce que j'ai dit au début. C'est l'émigration plus spécifique, c'est-à-dire le fait de quitter un endroit ou une terre non musulmane, d'accord, vers une terre musulmane, et ceci en vue de préserver sa religion des fitaines. C'est clair. Donc ce type de hijra du lieu, quel est son statut? Quel est son statut? Est-ce qu'il est obligatoire? Est-ce qu'il est interdit? Est-ce qu'il est recommandé? Est-ce qu'il est fortement conseillé? Est-ce qu'il est mustahab, etc.? C'est quoi son hukm? C'est quoi son jugement? Quant au jugement que prend al-hijra, c'est une obligation. C'est une obligation. D'accord ? Le type de hijra spécifique qu'on a cité. D'accord ? C'est une obligation pour quiconque pour toute personne qui n'est pas capable d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et de pratiquer ce que Allah azza wa jal lui a rendu obligatoire au niveau des rites de l'islam, ni de montrer sa religion et qui est capable de faire bien sûr al-hijra. Donc c'est obligatoire pour toute personne qui n'est pas capable d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. C'est-à-dire, il n'est pas capable ici d'appliquer les ordres et les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager dû aux persécutions, aux fitaines, aux troubles, etc. D'accord ? Il ne peut pas pratiquer sa religion comme il se doit. D'accord ? Et en plus de cela, écoutez bien cette condition en plus, il est capable de faire. Il ne fait pas partie de ce que Allah subhanahu wa ta'ala, d'accord, a exempté dans le Coran al-Karim. On va voir le verset coranique. Al-Mustad'afin, les faibles. Il ne fait pas partie des faibles. Et on va voir dans les détails. Donc si tu ne peux pas pratiquer ta religion comme il se doit, tu ne peux pas faire ta prière, on t'a dit de faire ta, interdit de faire ta prière, ou obéir au commandement d'Allah et de son messager, tu ne peux pas pratiquer ta religion clairement et ouvertement, et tu as les capacités, tu n'es pas parmi les faibles, tu as les capacités de faire l'hijra, c'est obligatoire pour toi de faire l'hijra. C'est obligatoire de toi, pour toi de faire l'hijra. Sauf dans certaines situations. Sauf dans certains cas bien spécifiques. On va voir ces cas-là. Donc, il faut traiter étape par étape pour bien comprendre. Il ne faut pas se précipiter surtout dans ce sujet, concernant ce sujet-là. Sauf dans certains cas comme l'ont exposé les savants. Donc là, celui qui n'arrive pas à pratiquer sa religion, il a les capacités de faire l'hijra, il l'a fait. Surtout s'il n'est pas concerné par les conditions que je vais citer par la suite. Il y a des conditions que je vais citer par la suite. Tu n'es pas concerné par les conditions que je vais citer par la suite, tu dois le faire. Si en plus de ça, tu n'arrives pas à pratiquer ta religion comme il se doit. Et tu connais un pays musulman où tu peux pratiquer, bien sûr. Ça, c'est la moindre des choses. Tu peux pratiquer mieux ta religion là-bas. Ah, mais si tu pars d'un point A à un point B, pour aller dans un endroit où tu peux pratiquer moins bien ta religion, c'est illogique. C'est illogique, c'est clair. Car le but, c'est d'aller dans un endroit qui soit une terre d'islam ou une terre non musulmane pour pratiquer mieux ta religion, on est d'accord. Car le but, c'est quoi ? De pratiquer comme il se doit sa religion. C'est bien pour ça que le prophète alayhi salam les a envoyés à Ardul Habasha, dans une terre qui n'était pas musulmane, chez un roi qui n'était pas musulman. Mais à ce moment-là, on ne peut pas prendre cette preuve de façon générale pour dire bon c'est bon, on peut aller n'importe où. Non, mais à ce moment-là, il faut contextualiser les choses. À ce moment-là, c'était un bien et ils pouvaient à ce moment-là, à leur époque, pratiquer mieux leur religion et préserver leur religion dans cette terre que à Mecca, qui est la terre la plus aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je vous ai dit, le principal, c'est de partir d'un endroit, d'un point A à un point B. Ça c'est la base. À partir du moment que l'endroit ou le point B est un endroit où tu peux pratiquer mieux ta religion, bien sûr. Et de façon générale, on dit bien sûr, d'une terre non musulmane à une terre musulmane. Mais si ce n'est pas le cas, bien sûr, ici tu dois chercher un endroit où tu pratiques mieux ta religion, que ce soit une terre musulmane ou non musulmane. À la kulihal, on poursuit. On poursuit. Donc ici, je disais que celui qui n'est pas concerné par les conditions ou les cas spécifiques qui vont suivre par la suite, et qui en plus de ça, il ne pratique pas bien sa religion, il ne peut pas la pratiquer ouvertement, il est obligatoire pour lui de faire la hijra. On est d'accord ? Il doit faire l'immigration. Alors moi je trouve étonnant. Il y a des frères qui aboient, je répète ce mot-là, qui aboient, dans des forums, sur Paltalk, dans des sites, etc. Même dans la rue, bon vous entendez, les gens qui ont énormément de hikmah dans la da'wa, quand on entend qu'ils vont agresser, pour moi c'est une agression, c'est pas de da'wa, c'est une agression. Ça c'est pas du tout, ça n'a rien à voir avec la sunna du prophète Ali Sam. Ils vont agresser des jeunes qui viennent de rentrer dans la religion en leur disant « Tu es dans un pays mécréant, tu n'as pas le droit, tu dois faire la hijra tout de suite. Tu n'as pas le droit de rester, wal'iyadu billah. » On a entendu, même dans notre ville, wal'iyadu billah, des gens égarés, qu'Allah Azza wa Jalla nous préserve de leur maladie. Donc des gens égarés qui parlent, ça fait des années. Et au jour d'aujourd'hui, ils sont où ? La plupart qui ont aboyé, ils sont toujours ici. Alors c'est grave. Alors je comprends pas ça, moi. Soit c'est des menteurs, soit ils ont des graves maladies dans leur cœur, ou soit je comprends pas. Il y a quelque chose que j'ai pas encore saisi, honnêtement. Allah Azza wa Jalla ne dit-il pas dans le Coran al-Karim, Ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Oh, vous qui avez cru, qui dites des choses que vous ne faites pas, c'est une abomination auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala de dire des choses que vous ne faites pas. Ça veut dire que même si moi j'ordonne le bien, une chose bonne, vraie, qui relève du Coran et de la Sunna, mais je ne l'applique pas, je n'ai pas droit. Je n'ai pas droit. Vous connaissez tous le hadith authentique où il y a des gens qui vont être étonnés en enfer de personnes qui ordonnaient le bien et interdisaient le mal. Et ils vont dire, mais vous êtes en enfer alors que vous ordonniez le bien et vous interdisez le mal. Ils vont dire quoi ? On ordonnait le bien, lakin, on ne le faisait pas. Et on interdisait le mal, lakin, on commettait le mal. C'est grave. Alors toi, tu aboies jour et nuit, mais tu es toujours là. Alors des gens ils vont dire oui mais maintenant bon parce qu'ils ont vu hein, ils ont fait le test. Certains sont partis, je sais pas, peut-être hein, peut-être en Égypte, peut-être au Maroc ou je ne sais où encore hein. Donc ils ont vu que c'était pas le même confort qu'ici en France, machallah, chauffage, les aides sociaux, etc., etc. Ils sont revenus en courant. Ils sont restés un mois, deux mois, ils sont revenus en courant. Donc après qu'est-ce qu'ils disent? Bon maintenant il y a des savants qui ont dit quand tu fais da'wa tu peux rester pour l'instant pour te préparer. Ajib, c'est quoi que tu fais pour Allah toi? C'est quoi ta da'wa? C'est ouvrir un overblog, un blog et mettre des, faire des copier-coller. Mais ça tu peux le faire du Maroc ou de l'Algérie ou je ne sais d'où. Ça tu peux le faire n'importe où. Ça ouvrir un blog c'est de da'wa, c'est pas de da'wa ça. Et mettre des mises en garde jour et nuit sur ton blog et toucher à l'honneur des savants ou alors des mashayikh etc. C'est ça faire de da'wa. Mais toi tu dois partir toi. Excuse-moi du terme, tu dois dégager toi. C'est obligatoire pour... non seulement tu fais pas de da'wa mais tu fais le fitan. Et c'est ce qui se passe en France. Demandez à n'importe quel savant d'Arabie Saoudite. Parlez-leur des jeunes de France. Qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Vous allez voir juste leur comportement. La plupart, ils ne veulent plus répondre aux jeunes de France. Quand ils entendent les jeunes de France, il y en a même qui disent « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ». C'est pas des propos ici, hein, des paroles en l'air. Ça, c'est une réalité. Pourquoi? Parce qu'ils font plus le fitan. Et c'est qui? C'est ceux qui aboient jour et nuit. Le hijra, mais ils n'appliquent rien du tout. Et ils font le fitan et ils s'occupent des affaires des gens au lieu de s'occuper de leur propre personne. Tais-toi, applique. Amma aboyer jour et nuit alors qu'on te voit ici tous les jours. Et rappelez-vous de ça, hein, dans 10 ans, ils seront encore là. Dans 10 ans, ils seront encore là. Ceux qui aboient comme ça, dans 10 ans, amma ceux qui se taisent. Et qui, alhamdoulilah, appliquent leur religion. Il y a beaucoup de frères, mashallah, ils ont décidé de faire l'hijra, partir au Maroc et autres. Mashallah, hafidhahumullah. Yani, chacun selon ses intentions et chacun selon ses convictions religieuses. Là, qui nous disons, attention de s'occuper des gens et d'aboyer jour et nuit et de ne pas appliquer à la religion. La religion, ce n'est pas un jeu. La religion, ce n'est pas un jeu. Tu veux faire une chose, mashallah, apporte tes preuves, dis-le avec sagesse, propose, mais n'impose pas. Et si tu veux faire une chose, pense d'abord à toi et à ta famille. Occupe-toi de toi et ta famille avant de penser aux gens. Et en plus de ça, étudie bien le sujet dans les détails avant de parler à Abdallah. Ça, c'est un conseil que j'ai à vous donner, inshallah ta'ala. Donc, ici, j'en reviens. Concernant Al-Hijra. Donc, les gens qui ne préservent ni leur religion, d'accord, c'est-à-dire dans le pays où ils sont, donc le point A, je préfère dire le point A. Donc le point A où tu es dans n'importe quelle terre, tu n'arrives pas à pratiquer ta religion comme il se doit, tu n'arrives pas à prier, on te persécute, on te laisse pas transmettre la religion, on te laisse pas faire da'wa, qu'est-ce que je peux dire encore? Qu'est-ce qu'on peut rajouter encore? On te laisse pas faire quoi encore? Dans certains pays musulmans, qu'est-ce qu'ils laissent pas faire? On peut laisser porter la barbe, je sais pas, des choses comme ça. Pratiquer ta religion à la kulli hal. Si on te laisse pas dans ce point A pratiquer ta religion, donc, et tu ne peux pas pratiquer ta religion, tu dois faire obligatoirement al-hijra. D'accord. Donc, au jour d'aujourd'hui, alhamdulillah. D'accord. Nous, en tout cas, du moins, remercie Allah subhanahu wa ta'ala qu'on peut transmettre la religion comme il se doit au jour d'aujourd'hui, qu'on transmet la religion, qu'on pratique notre religion. Je vois, walillahi alhamd, wala nuzaki Allah les hadas en face de moi des frères qui appliquent le sunnah, l'ahya, le qamis. Mashallah, alhamdulillah. Donc, ici, si tu es arrivé à un stade où on te persécute, tu n'arrives pas à pratiquer ta religion comme il se doit, et tu ne sers à rien, yani tu ne remplis pas les conditions spécifiques ici qui te poussent à rester dans ce pays que je vais citer par la suite, il faut écouter le dars complètement, hein, parce qu'il y en a qui ne vont pas prendre des parties, ils vont dire, bah, regardez ce qu'il a dit, non. Et il y a les conditions qui ne sont pas requises ici qui te permettent de rester, donc à ce moment-là, tu dois partir obligatoirement. Si tu ne pars pas, et tu ne remplis pas les conditions spécifiques, je vais en venir à ces conditions, hein. Si tu ne pars pas, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de toi à ce moment-là dans le Coran al-Karim. Allah azzawajal parle de ces personnes-là, qui restent dans des pays ou dans des endroits, je ne dis pas pays musulmans, non musulmans, dans des endroits où ils ne pratiquent pas bien leur religion, où ils ne peuvent pas pratiquer leur religion comme il se doit, ils disent, oui mais la ghalib, regarde où on vit, je ne peux pas. Allah parle d'eux dans le Coran al-Karim, et il dit dans surat al-Nisa, surat les femmes, verset 97-99, lorsque les anges enlèvent l'âme de ceux qui se sont fait du tort à eux-mêmes, ils leur dirent, dans quel état étiez-vous? Dans quelle situation étiez-vous? Et ils diront quoi? Ils disent, kunna mustad'afina fil ard. Nous étions faibles sur la terre. Il n'y a pas d'excuse. La ghalib, comme certains disent, ouais, mais la ghalib, mon frère, on est dans ce pays-là, on est dans un autre pays, je peux pas pratiquer ma religion comme il se doit. La ghalib, je peux pas. Kunna mustad'afina fil ard. Allah, il parle de ces gens-là dans le Coran al-Karim. Nous étions faibles sur la terre. Alors les anges leur répondent, la terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer? La terre d'Allah n'était pas assez vaste pour vous permettre d'émigrer? Voilà ce dont la fin sera l'enfer. Et quelle mauvaise destination, à l'exception de qui? Des impuissants. Parmi les hommes, les femmes et les enfants incapables de voyager et ne trouvant aucune voie. Donc il y a des exceptions. Ça, il faut le mentionner déjà. Il faut le mentionner déjà. C'est Allah qui le mentionne dans le Coran al-Karim. À l'exception des impuissants. Des impuissants parmi les hommes, les femmes et les enfants incapables de voyager ne trouvant aucune voie. Voilà ceux à qui Allah pardonne. Allah est clément et pardonneur. Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, dit dans l'explication de ce verset, ce noble verset général pour quiconque ici réside parmi les polythéistes alors qu'il est capable de faire al-hijra et qu'il, ce n'est pas simplement ça qu'il a dit, mais avec une condition, et qu'il n'est pas capable de pratiquer sa religion comme il se doit. Qu'il n'est pas capable de pratiquer sa religion comme il se doit. Donc si toi tu fais partie des polythéistes, ou alors même, je te dis, même parmi des musulmans, c'est pour ça que je préfère l'appellation ici de point A à point B. Si tu es dans une terre où même il y a des musulmans, mais on te laisse, ça peut exister, c'est rare, mais ça existe, ça peut exister, dans un endroit où on te persécute, d'accord, parce que tu pratiques bien ta religion, tu appliques la sunna, on te laisse pas laisser la barre, par exemple, j'en ai un exemple, hein, appliquer des actes religieux, venir à la mosquée, on t'opprime, etc. Et toi, tu peux partir dans un endroit où tu pratiques mieux ta religion. Est-ce que ça, ça s'appelle al-hijra ou pas? Ça s'appelle al-hijra aussi. Ça, on est d'accord à l'unanimité des savants. Ça s'appelle al-hijra. Tu pars d'un endroit où tu pratiques mieux ta religion. Ça, c'est al-hijra. Et, sauf avec des conditions. Il y a des gens qui sont excusés. Parmi ces gens qui sont excusés, il y a par exemple les impuissants. Allah Azza wa Jalla les a cités. Parmi les femmes et autres qui n'ont pas les capacités, les moyens de voyager et autres. Il y a aussi les prisonniers. Donc attention, hein, ceux qui me disent, oui mais nous on est parmi les impuissants, on n'a pas assez d'argent pour voyager, abadan. Tu vas retourner au fétoi de Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, et il n'y a pas qu'un savant. C'est pas parce que Cheikh Al-Albani a fait une fétoi, notre grand savant, notre grand muhaddith, hafidhahullah, rahimahullah ta'ala, rahmatan wasi'a, que ça y est, Cheikh Al-Albani a dit, bon c'est bon, tout le monde doit appliquer. Il y a plusieurs savants, il faut regarder la parole de beaucoup de savants. Et comme disent les savants, avoir de la science dans la religion, ce n'est pas connaître simplement la réponse, mais c'est connaître la divergence dans la réponse. Donc Cheikh Al-Albani dit non, tu as juste de quoi payer ton billet pour voyager, tu dois partir. Donc applique, arrête de me dire je me prépare. Après tu vois des frères qui parlent de hijra et ils aboient depuis des années et ils poussent, ils forcent les gens à faire la hijra. Ça fait 10 ans ils sont là, tu comptes ramasser combien? 1 million d'euros pour faire la hijra? Normalement tu as quoi, 1000 euros de côté, fais la hijra. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلَهُ مَخْرَجَ مَنْ فْرَيْرَ. Allah Azza wa Jalla le dit, celui qui craint Allah, Allah Azza wa Jalla lui donne des issues favorables. C'est une obligation. Donc ici, préserve ta religion avant tes poches. Donc fais l'hijra. Donc si tu le fais pas, t'es un menteur. Donc tais-toi, au moins dis tais-toi. Tais-toi. Si je pars dans leur théorie, je suis pas d'accord avec leur théorie, hein. Si je pars dans leur théorie, eux, qu'on doit faire l'hijra obligatoirement. C'est pour ça que je te dis, je comprends pas trop ces jeunes-là au jour d'aujourd'hui. Qui aboient jour et nuit, mais qui sont toujours là. C'est pour ça que je les comprends pas encore. Mais qu'Allah Azza wa Jalla me fasse comprendre un peu leur comportement, inshallah ta'ala. Le prisonnier. Celui qui est emprisonné. La ghalab. Est-ce qu'il peut faire l'hijra? Est-ce que s'il meurt dans cette situation-là, alors qu'il ne peut pas pratiquer bien sa religion, etc., etc., il meurt, il va être concerné par ce verset coranique. Il ne peut pas, Allah Rabbi, il a une excuse. Donc ça, il faut le savoir. Tu es prisonnier, tu ne peux pas. Tu es impuissant. Parmi les femmes, les enfants et autres, ils ne connaissent rien, ils ont un manque de science. Ils n'ont pas d'argent pour voyager, ils sont très faibles, ils peuvent être opprimés. Allah Rabbi. Donc là, ici, tu n'es pas concerné, inshallah ta'ala, par ce verset coranique. D'accord, il y a beaucoup d'exemples comme ça. Donc ça, c'est les cas, les cas, on va dire, c'est des cas qui font que tu n'as pas le choix. Tu n'as pas du tout le choix. Je ne dis pas que tu restes par rapport au confort. Non, mais tu n'as pas le choix. D'accord? Il y a des raisons, par contre, qui font que tu peux rester. Par contre, il y a des raisons. C'est pour ça que je vous ai dit, sauf des cas spécifiques. Donc maintenant, on vient à ces cas spécifiques. Il y a, ou plutôt ces raisons. Il y a des raisons qui font que tu peux rester dans n'importe quel pays musulman. Non musulmans ou musulmans, n'importe quel endroit sur la surface de la terre, tu peux rester, aucun problème, la haraj. Mais écoutez bien avec les détails, tu peux rester dans n'importe quel endroit de la surface de la terre, qu'il y ait des associateurs, qu'il y ait des adorateurs du feu, qu'il y ait je ne sais quoi, qu'il y ait le yani ashir qui est répandu, que ça ne soit pas interdit, ça, n'importe quel endroit. Ici, tu peux rester n'importe quel endroit de la surface de la terre, tu peux y résider ou rester pendant une certaine période. Ici, si tu es concerné par ces raisons-là. Cette raison-là, c'est quoi? C'est une forme, écoutez bien, de combat dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Attention, il va dire, oh là là, il appelle à la guerre. Non. Al-jihad fi sabilillah. Le combat dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça ne concerne pas que le combat, quand Allah Azzawajal parle du combat dans la société d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand les compagnons combattaient avec le prophète avec les armes, ça ne concerne pas simplement le combat avec les armes. Al-jihad, comme disent les savants, le combat dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est aussi avec la bouche, avec la plume, bil-qalam, avec la plume. La science, comme disent les savants, le fait de transmettre la religion, d'appeler les gens à l'islam, c'est une forme de combat dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une forme de jihad. D'accord. Donc ça, ici, ce combat dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, je parle de ce combat-là, attention, hein, ce combat-là, avec la langue, avec la plume, c'est-à-dire d'écrire des livres, de répondre yani, aux innovateurs, yani, aux dénégateurs, de transmettre la religion d'Allah avec le plus grand des respects et le meilleur des comportements et en utilisant les meilleurs des exhortations, les meilleurs des paroles, les paroles les plus douces comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a ordonné dans le Saint-Coran quand il dit « Ud'u ila sabili » Al jihad fi sabilillah, le combat dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là, je parle de ce combat qui est le combat avec la plume, avec la langue. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Ça, c'est cette da'wa ila Allah qui nous intéresse. C'est pas la da'wa qui est répandue chez beaucoup de jeunes avec agressivité. Il te donne même plus le goût à apprécier à aimer l'islam wal iyad billah. Dès qu'il parle d'une chose dans la religion, il te met en garde contre quelqu'un ou il critique un savant ou un mashayikh. Ou il dit n'écoute pas celui-là. Ça c'est devenu une mode au jour d'aujourd'hui. Ça c'est la da'wa qu'Allah Azza wa Jal a cité dans le Coran que je vous parle. La vraie da'wa, le vrai appel. Ud'u ila sabili rabbika. Appelle au sentier de ton Seigneur. Appelle les gens au sentier de ton Seigneur. Sur la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bil hikmah. Avec la sagesse. Wal maw'idati al-hasana. Et avec quoi? La bonne exhortation. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنَ. Et parle avec eux de la meilleure des façons. Allah subhanahu wa ta'ala parle de cette vraie da'wa qui nous intéresse. Et c'est ça la vraie da'wa. C'est ça la vérité, ayyuhal ikhwatul kiram. Amma le reste, ça n'a rien à voir avec l'islam. فَوَرَبِّ الْكَعْبَةِ, ça n'a rien à voir avec l'islam. Ce n'est pas la vérité. Ça, c'est la vérité. La vraie da'wa, que ça concerne l'appel à la religion, ici, avec les musulmans ou les non-musulmans. Même avec les non-musulmans, à toi de montrer ce qu'est le vrai islam. À toi de montrer ce qu'est le vrai islam. Montre-leur le meilleur des comportements, les meilleurs des paroles, ce qu'est l'islam, et que l'islam ce n'est pas verser le sang et maltraiter ou je ne sais quoi. Montre-leur c'est quoi le vrai islam. Et ceci à travers, comme je vous ai dit dans la conférence sur le voile islamique, à travers les paroles d'Allah et de son messager. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui, même à travers les médias, quand ils parlent que avec leurs paroles à eux. Ça ne nous intéresse pas. Et on va voir ici pourquoi je vous dis ça. Ici dans ce cours, inshallah ta'ala, comment ont réagi les compagnons ayyuhal ikhwatul kiram quand ils se sont rendus chez le négus et avec quelles paroles ils ont exhorté le négus? Pas avec leurs paroles, avec les paroles d'Allah et de son messager. Avec les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager, ça nous suffit amplement. Les paroles d'Allah et les paroles de son messager. Ce sont les meilleures des paroles sur la surface de la terre, ayyuhal ikhwatul kiram. Donc, les gens ayyuhal ikhwatul kiram qui font ad-da'watu ila Allah azza wa jal, tu sers à quelque chose, pas de problème. Pas de problème, ayyuhal ikhwatul kiram. Si tu es pendant une période, je dis bien, dans cet endroit-là, la haraj. Avec une condition, bien sûr, que quoi? Que, alhamdoulilah, tu peux appliquer ta religion comme il se doit. Donc, on ne te persécute pas, on ne t'empêche pas de faire ta prière, d'appliquer la sunna, d'appliquer et proclamer ouvertement ta religion, et ceci dans le plus grand des respects, ici, à partir de ce moment-là. En plus de cela, si tu accompagnes ici, cette résidence temporaire ici, avec ad-da'watu ilallah, l'appel à Allah, avec le meilleur des comportements, montrant le meilleur des comportements aux musulmans et aux non-musulmans, il n'y a pas de problème. Pour que tu restes dans ce pays. Bien plus que cela. Certains savants ils disent que c'est fard. Allah, fard. Kifaya. C'est une obligation. Qui n'incombe pas à tous les musulmans. Mais que si une partie des musulmans s'en charge, l'autre partie en est... L'autre partie est exemptée. Fard kifaya pour certains. Na'am ayyuhal ikhwatul kiram. Car si des gens ne le font pas, qui va le faire? Est-ce que le prophète alayhi salatu wasalam a envoyé dans les quatre coins du monde, les sahaba radiyallahu anhu warda pour transmettre cette religion, ainsi que les compagnons ont envoyé d'autres compagnons, etc. Na'am, car le but c'est quoi? C'est de transmettre la religion. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani min al-muslimin. Et qui profère une plus belle parole, c'est la meilleure des paroles, une plus belle parole ayyuhal ikhwatul kiram concernant les êtres humains bien sûr et nous, hein. Une plus belle parole que celui mimman da'a ila Allah, qui appelle à Allah. وَعَمِلَ الصَّالِحَا, et qui accomplit les œuvres salutaires. C'est pas que tu appelles, mais tu appliques. D'accord? Donc on appelle mais on applique. Wa qala innani minal muslimin. Il dit je suis parmi les musulmans. Si tu fais ad-da'wah ila Allah azza wa jalla, tu sers à quelque chose, tu es bénéfique pour la communauté, la haraj. Et ça c'est un message aux frères qui restent ici dans des endroits yani où ils peuvent aller dans un autre endroit où on peut pratiquer mieux sa religion, mais ils restent dans cet endroit-là sous prétexte qu'ils font ad-da'wah ila Allah. Donc on leur dit à ces frères attention. Ce n'est pas qu'avec la bouche, il faut vraiment faire ad-da'wah ila Allah. Il faut vraiment avoir ce souci de servir à quelque chose. Pour qu'au jour de la résurrection, tu dises à Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et que ça soit, ou que ces actions ont été accomplies avec sincérité. Mais si tu arrives auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'Allah azza wa jalla te scandalise, et te montre que tu n'es resté dans tel endroit que par rapport au confort, et que par rapport au luxe, et que tu n'as servi à rien, et en plus de ça, tu n'as pas préservé ta religion des fitnes, des troubles, etc., et tu n'as pas préservé l'éducation des enfants, qu'est-ce que tu vas dire, ya Abdallah? Là, c'est une situation très grave, wal'iyadu billah. Donc, à nous d'avoir ce souci-là de transmettre la religion. Ah, mais si tu ne transmets pas la religion, ya Abdallah, hadith wa la haraj. Là, c'est autre chose, ayyuha al-ikhwatul kiram. Donc, avoir ce souci de transmettre la religion. Et moi, je vous dis bien plus que cela. Si tu es dans un endroit, un point B, ou un point A, comme vous voulez, on va dire un point A, où tu préserves ta religion. Et en plus de ça, ici tu es dans un endroit où la majorité ne sont pas musulmans. Mais tu préserves ta religion, alillahi alhamd, et tu transmets la religion. Tu es bénéfique pour la communauté, et ben tu es meilleur qu'une personne, ayyuha al-ikhwatul kiram, qui est même à la Mecque. Qui est même à la Mecque, voilà, qui ne fait rien du tout. Ni il transmet la religion, et qui il est là. Avec les conditions bien spécifiques que je vous ai dit. Écoute ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran. Je ne parle pas avec tel savant a dit, ou tel sheikh a dit. Les savants, bien sûr, walillahi alhamd, reprennent les paroles d'Allah et de son message. Mais je veux d'abord vous parler directement de ce qu'Allah Azza wa Jalla a dit. Ensuite, je vous expose ce qu'ont dit les savants. Mais ça, c'est pour moi la meilleure des compréhensions. On cite d'abord ce qu'Allah a dit, le prophète a dit, avec la compréhension des ancêtres pieux. Mais ne va pas me dire, j'ai entendu un shirk qui a dit, non, dis-moi Allah, qu'est-ce qu'il a dit dans le Coran? Et le prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Les ancêtres pieux, qu'est-ce qu'on dit? Et ce savant, qu'est-ce qu'il a dit? Là, c'est complet. Jazakallahu khairan. Elle va me dire, oui, j'ai lu une fatwa, j'ai vu dans des émotions, 3 minutes, Cheikh l'Albani, il a dit ça. Non, mais est-ce que t'as écouté tout le dars? Est-ce que t'as écouté la divergence? Pour moi, ça, c'est pas l'apprentissage sérieux de la religion du moins. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran al-Karim, ici dans Surat al-Tawbah, verset 19. Surat al-Tawbah, verset 19. Ferez-vous de la charge de donner à boire aux pèlerins? C'est Allah qui le dit. Ferez-vous de la charge de donner à boire aux pèlerins? C'est noble. C'est noble ou pas? Tu abreuves des pèlerins, ils font le hajj, tu les abreuves. Ferez-vous de la charge de donner à boire aux pèlerins et d'entretenir, Allah, d'entretenir la mosquée sacrée, Mecca, et d'entretenir la mosquée sacrée des devoirs comparables au mérite de celui qui croit en Allah et au jour dernier et lutte dans le sentier d'Allah. Ce n'est pas pareil. Donc Allah Azza wa Jal rappelle. Et on avait dit que la lutte dans le sentier d'Allah, comme les savants disent, nous, ce qui nous importe aujourd'hui, ce n'est pas avec les armes. Par exemple, comme le prophète alayhi sallam combattait avec les compagnons. Non, là, je parle de quoi? De la lutte dans le sentier d'Allah, subhanahu wa ta'ala, avec la langue. Ad-da'watu illallah, avec le meilleur des comportements, avec sagesse, envers les musulmans et non-musulmans. Car c'est une forme de jihad, comme tous les savants le disent. Na'am, Allah Azza wa Jal rappelle qu'il y a des actions qui sont très nobles et qui ont énormément de mérite, mais ils n'ont rien à voir avec d'autres actions. Avec d'autres actions. Donc des actions concernant des gens qui s'investissent et qui sont sur le terrain, ayyuha al-ikhwatul kiram. Ce n'est pas pareil. Le fait, ayyuha al-ikhwatul kiram, que tu es à la Mecque et que tu abreuves les pèlerins et que tu entretiens la mosquée sacrée, ça n'a rien à voir et ce n'est pas comparable comme Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran al-Karim que si tu crois en Allah et au jour dernier que tu luttes dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui le dit dans le Coran al-Karim. Et ça, c'est les paroles des savants concernant la lutte dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, ayyuha al-ikhwatul kiram. La preuve que dans certains cas, il ne faut pas généraliser ce verset coranique, lakin dans certains cas, une personne qui appelle à Allah subhanahu wa ta'ala, qui préserve sa religion, ayyuha al-ikhwatul kiram, qui prend de son temps et qui sacrifie de son temps, et qui appelle et qui fait ad-da'watu illallah azza wa jal, même s'il n'est pas dans une terre d'islam où la majorité sont des musulmans, il peut être meilleur qu'une personne qui est directement à Mecca, masha'Allah, et qui fait des actions nobles et vertueuses. Qui abreuve les pèlerins et qui entretient la mosquée sacrée. Allah dit dans le même verset coranique, ils ne sont pas égaux auprès d'Allah et Allah ne guide pas les gens injustes. Ceux qui ont cru, qui ont émigré et qui ont lutté par leurs biens et leurs personnes dans le sentier d'Allah ont les plus hauts rangs auprès d'Allah et ce sont eux les victorieux. Donc Allah Azza wa Jalla montre qu'il y a des personnes qui te devancent même si toi tu penses faire des actes qui sont au top. au top. Tu es à la Mecque, tu es à Breuve. Les pèlerins, ce n'est pas n'importe qui, dans la terre la plus aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais avec ça, ça te rappelle, comme disait Salman al-Farisi rahimahullah ta'ala wa radiyallahu anhu arda, que ce n'est pas la terre qui fait de toi un homme vertueux, mais c'est les actions qui font de toi un homme vertueux. Salman al-Farisi rahimahullah ta'ala wa radiyallahu anhu arda, qu'est-ce qu'il disait? Ce n'est pas la terre qui fait de toi un homme vertueux, mais c'est tes actions qui font de toi un homme vertueux. Na'am? Et ça, c'est une réalité, ayyuha al-ikhwatul kiram. Donc ça, c'est pour nous rappeler ici que toi, au jour d'aujourd'hui, tu n'es pas à la Mecque. Tu n'es pas à la Mecque. Allah t'a pas facilité d'être, par exemple, à la Mecque. Tu n'es pas à la Mecque. On aimerait tous être à la Mecque. Par exemple, Mashallah, ça fait du bien. C'est la terre la plus aimée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète alayhi salam, il a parlé des bienfaits de Médine. Si vous pouvez mettre dans un hadith authentique, celui qui peut mourir à Médine, qu'il meure à Médine pour montrer les bienfaits de Médine, etc. Lakin Allah subhanahu wa ta'ala a fait et a voulu que tu sois dans un endroit autre que la Mecque ou Médine. Eh ben, sois bénéfique. Soit bénéfique, sert à quelque chose à la communauté, et masha'Allah, et bi'idnillahi ta'ala, peut-être, rubbama, tu auras plus de récompenses que celui qui est à la Mecque et à Médine. Et combien de personnes, vous l'avez tous vu, pour ceux qui ont été faire le pèlerinage, sont en face de la Kaaba, sont en face de la Mecque, et wallahi al-adim qui te parle, et ils te disent, et ça, faut pas généraliser, certaines personnes, hein, simplement pour vous rappeler les propos de Salman al-Farisi, qui dit que ce n'est pas la terre qui fait de toi un vertueux, mais c'est les actions, qui disent, ouais, maintenant, tu me donnes ta carte maintenant, de nationalité française ou autre, moi je te donne ma carte saoudienne, pas de problème, je change maintenant avec toi. Combien? Moi personnellement, combien ils m'ont dit, des commerçants et autres? On ne généralise pas, mais pour vous dire, c'est pas parce qu'il est à la Mecque qu'il est pieux. Et c'est pas parce que toi tu es dans un pays qui a 3000 ou 10000 ou 30000 km de la Mecque que tu vas être un pervers. Ça n'a rien à voir. C'est la piété, c'est les actions, c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous importe, et que tu sois bénéfique pour Allah ici, ou plutôt que tu sois bénéfique ici pour la communauté. Et parmi ceux qui sont partis, rapporté par Ahmed et d'autres avec une bonne chaîne de transmission, on revient avec les compagnons qui ont fait l'émigration. Ça, c'est les premières émigrations, qui ont eu deux petites émigrations. Ou deux émigrations. Donc ici, on va parler des deux premières émigrations, plutôt. Je préfère dire comme ça, les deux premières émigrations. En Abyssinie, il a Ardil Habasha. Ça, c'est les deux premières émigrations. Donc, Sahaba, ils ont été persécutés. Rapporté par Ahmed et d'autres avec une bonne chaîne de transmission, ils sont partis vers l'Abyssinie. Ils étaient une dizaine. D'accord, une dizaine. Parmi eux, avec Ja'far ibn Abi Talib, radiyallahu anhu arda, Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhu arda, et dans une autre version authentique, il y avait Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu wa arda, il y avait Ruqayya, ici, la fille du prophète, alayhi salatu wa salam, aussi. Donc, ils étaient une dizaine, à la kulli hal. Au mois de Ramadan, de la même année, le prophète, alayhi salatu wa salam, se rendit au haram. Ils ont émigré. Ils sont partis en Abyssinie, vers ce roi qui est An-Najashi. D'accord, rahimahullah ta'ala, car il est mort musulman, comme on va le voir par la suite, d'après le hadith rapporté par le Bukhari Muslim. Donc ce roi, juste qui était chrétien, ils ont émigré vers l'Abyssinie. Ils étaient une dizaine. À ce moment-là, quand ils ont fait l'émigration, le prophète était à la Mecque, parce que le prophète a été préservé. Et ceci, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, ensuite, par la cause de son oncle Abu Talib. Et certains compagnons ont été préservés aussi, comme Abu Bakr, parce qu'ils venaient de familles nobles. D'accord? Donc ils ont été préservés par Allah avant tout, ensuite, par la cause de leur noblesse, etc. Donc ici, le prophète est resté à la Mecque. Le prophète est resté à la Mecque. Quand il est resté à la Mecque, il nous est parvenu une histoire rapportée par le Bukhari Muslim. Alors que c'était au mois du Ramadan. Regardez ce qui s'est passé alors que le prophète était à la Mecque. Et voilà pourquoi j'insiste sur le fait que quand on appelle à Allah, il faut utiliser au maximum les versets coraniques. Qala Allah, qala Rasul, et les paroles du prophète, alayhi salam, qui ne parle pas poussé par sa passion. Il faut répéter et utiliser au maximum les versets coraniques, car ils sont riches en instructions et en effet bénéfiques. Riches en instructions et en effet bénéfiques. Allah subhanahu wa ta'ala wa l'ikhwatul kiram nous rappelle cela dans le Coran, ainsi que le prophète alayhi salatu wa salam. Et ici on voit ce que je viens de dire dans ce hadith de Al-Bukhari wa Muslim. Pendant le mois du Ramadan, alors que le prophète alayhi salatu wa salam s'est rendu au haram, il s'est rendu au haram, où il avait une multitude de Quraishites, y compris les plus grands des chefs. Alors il se dressa au milieu de la foule, le prophète alayhi salatu wa salam, et soudain il se mit à réciter la sourate des étoiles, sourate An-Najm. Le prophète alayhi salatu wa salam a récité sourate An-Najm. Et les infidèles n'avaient jamais écouté la parole d'Allah auparavant, car ils mettaient tout en œuvre pour ne pas écouter les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les kuffars, les associateurs, ils mettaient tout en œuvre pour ne pas écouter les paroles d'Allah quand le prophète ou les compagnons ici répétaient les paroles d'Allah. Donc, en effet, leur principe c'était quoi? C'était de se détourner au maximum des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils recommandaient, ou ils se recommandaient cela les uns les autres. Comme Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran al-Karim, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ la tasma'u li hadha al-Qur'an. Allah parle d'eux dans le Coran al-Karim. Et il dit, donc, dans Sourate 41, verset 26, les associateurs dirent, ne prêtez pas l'oreille à ce Coran et faites du chahut. Regardez ce qu'Allah dit dans le Coran al-Karim concernant ces personnes-là. Dans Sourate 41, verset 26. Et faites du chahut pendant sa récitation afin d'avoir le dessus. Donc quand ils entendaient le Coran, ils faisaient du bruit. Certains chantaient des poèmes, etc. Ils ne voulaient pas écouter Kalamullahi Azza wa Jal. Car ils avaient peur et ils savaient qu'il y avait de l'effet dans le Coran al-Karim ayyuha al-ikhwatul kiram. Si nous avions descendu ou révélé ou fait descendre ce Coran sur une montagne, qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal dit? La ra'aytahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah. Na'am ayyuha al-ikhwatul kiram. Et c'est pour ça que le prophète alayhi salatu wa salam est parti au haram et a récité sourate An-Najm, l'étoile. Et le prophète alayhi salatu wa salam a commencé à réciter Wan-Najmi idha hawa al-ayat, par l'étoile à son déclin. Votre compagnon ne s'est pas égaré et n'a pas été induit en erreur. Et il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée jusqu'à la fin de cette sourate où Allah subhanahu wa ta'ala dit Afa min hadha al-hadith ta'jabun wa tadhakun wa la tabkun wa antum samidun fasjudu lillahi wa'budu. Jusqu'à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, quoi, vous étonnez-vous de ce discours, le Coran, le prophète qui récite et tout le monde en train de l'écouter, vous étonnez-vous de ce discours, le Coran, et vous en riez et n'en pleurez point, absorbez que vous êtes par votre distraction, prosternez-vous donc à Allah et adorez-le. Et là, il est rapporté dans le Bukhari et Muslim que le prophète s'est prosterné, ainsi que tous les associateurs se sont prosternés avec le prophète, alayhi salatu wassalam. L'effet du Coran. Tout le monde, personne plutôt n'a pu résister à l'effet de Kalamullah, Kalamur Rahim ur Rahman. Ils se sont prosternés ici avec le prophète, alayhi salatu wassalam. Et ici, ça n'a pas montré, yani, qu'ils s'étaient convertis à l'islam. Ils ne voulaient pas montrer par cette prosternation ici qu'ils se sont convertis à l'islam. Mais ça a été plus fort qu'eux. Allah Azza wa Jalla l'a voulu. Ils se sont tous prosternés. Voilà qu'une rumeur est partie. Est partie jusqu'aux immigrants. Ceux qui sont partis émigrer en Abyssinie. Et cette rumeur disait que quoi? Que les Quraïchites s'étaient convertis à l'islam. D'accord? Que les Quraïchites s'étaient convertis à l'islam. Alors qu'en fait, c'était du mensonge. Eux, ils se sont prosternés, mais ils ne s'étaient pas convertis à l'islam. Bien plus que cela, leur rage avait augmenté encore plus. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Une grande partie d'entre eux, ou plutôt, si ce n'est tous, sont revenus vers Mecca. Donc ils ont dit, c'est bon, ils sont convertis à l'islam. Les immigrants sont revenus vers Mecca. C'est pour ça que je dis, il y a deux immigrations. Quand ils sont revenus vers Mecca, certains historiens disent ici que, comme dans le livre de Le Nectar Cacheté, Rahiq al-Makhtoum, ici il est rapporté que, d'après Ibn Ishaq, qui dit qu'ils étaient à une heure de marche à peu près. À la Koulihal, ils étaient très proches, ici, de la Mecque. Ils étaient proches de la Mecque, et voilà qu'ils ont reçu l'information réelle. Comme quoi, en fait, ils s'étaient simplement prosternés, mais ils ne s'étaient pas convertis. Une partie d'entre eux est quand même rentrée à la Mecque. D'autres sont repartis. Ils ont refait machine arrière. Donc ils sont repartis vers l'Abyssinie. Et une autre partie est partie où? À la Mecque. Et quand ils sont arrivés à la Mecque, ici ils ont trouvé les Quraïchites encore plus enragés et plus en colère. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris que ces personnes-là, ces immigrants, avaient immigré sans leur permission. Et ils ont voulu leur infliger une leçon, un exemple pour les autres qui tenteraient d'immigrer. Et ils ont commencé à les torturer encore plus. Et ils se sont fait torturer. Et ils se sont fait encore opprimer. Et voilà que le prophète alayhi salatu wassalam leur a ordonné ici une deuxième émigration en cachette, en secret. Et voilà qu'ils ont fait la deuxième émigration ici en Abyssinie. Et là, à ce moment-là, quand ils ont émigré de cette deuxième émigration, plutôt ils ont émigré une deuxième fois en Abyssinie, voilà que les Quraïchites n'ont pas accepté cela. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé d'envoyer deux personnes, deux hommes forts, deux hommes intelligents parmi les leurs, qui ensuite se sont convertis à l'islam. Donc, cette deuxième émigration, ayyuha al-ikhwatul kiram, a poussé les Quraïchites à envoyer deux personnes pour convaincre le roi, yani, le Négus, ici, al-Najashi, le roi d'Abyssinie, de leur rendre ces personnes-là. Donc ils ont dit, on va déléguer deux personnes-là, qui vont convaincre ce roi-là, pour leur dire, c'est, relâche-les, laisse-les revenir parmi nous. Donc ils rentrent en négociation, ils savent très bien qu'ils sont en sécurité avec ce roi-là, donc ils ont dit on va essayer de le convaincre. Alors que dans cette deuxième immigration, ils étaient à peu près 80 hommes. Certains disent aussi qu'il y avait entre 12 et 18 femmes. D'accord? Donc ils étaient à peu près une centaine en tout. Donc dans la deuxième immigration. Et ici, ces propos sont rapportés par Umm Salama, radiyallahu anha wa ardaha. avec une chaîne de transmission authentique. Et ces propos sont rapportés par Cheikh l'Albani rahimahullah ta'ala dans la sira, dans la biographie authentique du prophète alayhi salam, de son livre de Cheikh l'Albani rahimahullah ta'ala. C'est un récit rapporté par l'imam Ahmed et d'autres. Donc Umm Salama radiyallahu anha warda nous raconte ce qui s'est passé à ce moment-là, quand ici les deux personnes ont été déléguées, c'est-à-dire Amr ibn al-As radiyallahu anhu, car ça c'était avant sa conversion à l'islam. Ensuite il s'est converti à l'islam. Et Abdullah ibn Abi Rabi'a. D'accord? Abdullah ibn Rabi'a radiyallahu anhuma. Les deux se sont convertis à l'islam ensuite. Mais là, ils n'étaient pas convertis à l'islam. Donc, ils ont délégué ces deux personnes-là ici pour convaincre le roi de les rendre pour qu'il les ramène avec eux, qu'il les torture. Et c'est qui nous rapporte ce récit-là? C'est Umm Salama radiyallahu anha wa ardaha, épouse du prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Donc, elle nous a rapporté ce récit-là, qui est assez long, et malheureusement, je pense qu'il est... L'Aïcha s'est passé. C'est à quelle heure, l'Aïcha? C'est à 45. Donc ici, je terminerai rapidement la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala, avec le récit de Umm Salama, qui nous rapporte la conversation qu'il y a eu entre eux. Et ici, c'est une conversation riche, ici en exhortation et en leçon et en morale plutôt. Ici, dans cette conversation, il y aura beaucoup de morale à prendre. Il y a eu une conversation qui a été établie entre ces deux compagnons radiyallahu anhum wardahum, ici avant leur conversion, et le roi du Négus. Et ici Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu anhu arda, qui s'est entretenu aussi, qui a parlé ici avec le Négus. Il y a eu cette conversation qui a eu entre ces personnages-là, et ces personnages-là, ou plutôt ces conversations-là, ont été rapportées par Umm Salama radiyallahu anha wa ardaha, et on rapportera inshallah ta'ala ses propos la semaine prochaine. إن شاء الله تعالى والله تعالى أعلم وأحكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله